confronté sur le ciel. C'est tu, au milieu des portes sur le ciel. L'automatique est sur le ciel, son insulte. Garde mon gorge sur le ciel. Accroquanté sur le ciel, déçu, on mise le verre sur le zen. L'automatique est sur le siège, on insulte. Père de monde sur le zen. On voit des faux et leur pas de merde sur la caisse claire. D'autres à défaut, des petits braqués, le club disait sur la caissière. A changer de camp pour 500 lards, sont motivés. Nouveau coup, on changeait de camp tant que ta mère soit notifiée. Faire du bif ici les marmosards. Donc forcément les marmosards, mais les indiques sont renseignés comme le Mossad. Tu cherches l'enfer d'y est, ça pique ta mère sans se faire prier. Vise de millions, de la brûle de la perte ici sans se faire plier. On rêve d'une meuf intelligente dans un petit corps mimi. Avec la chance, quitter la France dans une Lamborghini. Et les poucas finissent par partouser. Pour un yébi, les potes d'enfance finissent par se cartoucher. Tu sens les toxicos finissent par tousser. Les balles du 9mm finissent par toucher. Retiens pas la leçon, à l'occasion nous caillassons. Mise des mille tâches sur triste course de canasson. A trop compté sur le ciel, déçu, on mise nos espoirs sur le zèle. L'automatique est sur le siège, on insulte. Père de mon blanc sur le zèle. A trop compté sur le ciel, déçu, on mise nos espoirs sur le zèle. L'automatique est sur le siège, on insulte. Père de mon blanc sur le zèle. C'est à qui tu peux ranger ta voix de pédale. Pour un satire, le 9 millisecondes souvent l'on la quétale. Peu différence entre ce que l'on fait et ce que l'on vit. Une divergence et le tchécar prend l'accent de la Colombie. On se fait péter et les stars finissent par se marrer. Et même les tasses finissent par se marier. Vois-tu, quel monde de con me diras-tu. La vie c'est une course de fond, nos tentatives, nos mérartures. Désespoir encore j'en ai, mais par la vie tout s'écorché. Fais ta place parmi les loups car mon ton finit s'écorcher. Monte sur des gouttes de petite qualité. On va clarifier, tu t'es pris une douille, pas t'es disqualifié. Aujourd'hui con, sans pas les couilles ce que t'as fait hier. De la S dans des pochetons de peu dans la théière. Alors on pousse des milliers de tronches parmi les roses. Et nous on rappe nos vies comme si ça changeait quelque chose. A trop compté sur le ciel, déçu, on mise nos espoirs sur le zèle. L'automatique est sur le siège, on insulte, père de mon blanc sur le zèle. A trop compté sur le ciel, déçu, on mise nos espoirs sur le zèle. L'automatique est sur le siège, on insulte, père de mon blanc sur le zèle.